إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن شاء الله تعالى من ذلك اليوم سنبدأ في دراسة هذا الكتاب المسمى بتطهير الاعتقاد عن أردان الإلحاد للإمام المحقق محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير رحمه الله تعالى. Donc, Inch'Allah, on va essayer de prendre des douloureuses maintenant de ce livre qui est Tathir al-Irtiqad de l'imam al-San'ani, rahimahullah ta'ala. L'inna qad bada'na fi silsilat fi douloures al-Aqida, fa l'ahsan an al-talib yastamir fi l'fun al-azi bada'a fi hatta yukmil wa yasil ila al-ghaya. Car quand on a commencé dans un dérouz, dans l'Aqidah, Mathalan, ou dans le Nahu, ou Rezalika, le meilleur c'est de continuer dessus. D'éviter les coupures. Quand quelqu'un a commencé des coutoubs dans le Nahu, il continue, il y a les derniers coutoubs qui sont considérés comme étant en ulum, Al-A'la. Donc là on avait commencé cette dérouz dans l'Aqidah, même sans vous, mais comme les frères ont déjà commencé, comme toi Mathalan, on termine comme lui. مع أبي نوح يعني نواصل في هذا وبعد هذا ندخل في درسنا في التعبير نواصل في هذه دروس كور إن شاء الله رزيمي تمام والقصد هو الاستفادة. طيب أولا سنقول شيئا من ترجمة المؤلف يعني un résumé de la biographie de l'auteur. Et celle-ci, elle est prise de ce qu'a rapporté l'imam Shawkani dans son livre Al-Badr al-Taliya. يعني ذكر يعني ترجمة de l'auteur. فقال رحمه الله تعالى السيد محمد ابن إسماعيل ابن الصلاح كل حلاني أيها كل حلاني ثم صنعاني المعروف بالأمير donc il s'appelle محمد بن إسماعيل بن صلاح كل حلاني puis صنعاني connu par الأمير معروف لقب الأمير alors le سيد là سيد هذا les termes comme ça سيد تجتنب طيب السيد كذا ديجا السيد فلان السيد فلان هذه ألفاظ تترك فولي ديليسي السيد من أسماء الله وكذلك سيد بني آدم من هو سيد فيس دو آدم يوم القيامة من هو سيد الناس يوم القيامة قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من قال هذا وفات محمد صلى الله عليه وسلم نعم et ça souvent sur le terme employé chez les soufia كذا avec leur مشايخ donc à délaisser المهم donc il a dit محمد بن اسماعيل بن صلاح طيب المعروف بالامير c'est un imam كبير مجتهد مطلق qui a beaucoup de livres ولد ليلة الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة 1990 يعني لبنى en 1999 de l'Égypte c'est équivaut à 1668 grégorien وبعد هذا وصا أكل حاني ensuite il s'est déplacé avec son père à صنعاء طيب en 1107 وهنا أحذى عن علمائها ك Sayyid al-Allama Zayd ibn Muhammad ibn al-Hassan. Il a pris de certains ulama qui étaient à Sana'a. Et tous, il a dit Sayyid, Sayyid, Sayyid. Et comme j'ai dit, Inch'Allah, là je lis parce que c'est le, ce que l'auteur a apporté. Et Shoukani, dans la tarjama de l'imam Sana'ani. Mais à la base, quand on s'exprime, ces termes-là, on les évite. طيب يسيت ديفيرون سافون parmi eux كذلك العلامة صالح ابن الحسين الأخفش والعلامة عبد الله بن علي الوزير والقاضي العلامة علي بن محمد العنسي puis s'est rendu à Mecca. Vous voyez d'où là-bas il a lu des hadiths sur les grands savants également على علماء مكة وعلماء المدينة. Il a lu des hadiths sur les علماء de Mecca et de Medina. Et il a excellé dans beaucoup de sciences. Puis, il fut dénommé placé comme président des sciences à Sana'a, par la suite. Quand on dit président, c'est Riyasa. Yani, le mot Raïs, à la base, c'est président. Mais c'est pour dire à la tête d'une chose, en fait. Et de là, son ijtihad est apparu, grand ijtihad. Car c'est quelqu'un qui était connu, Imam Sana'ani, pour suivre les Adillah. Et il détestait le taqlid, durement. Et les ara, les opinions, les avis. C'est une chose qui a coûté beaucoup d'épreuves avec les gens. Même les awam de son époque, hawalu an yaktulu. Ils ont essayé de le tuer. Parce qu'ils s'opposaient aux mazahib. Les gens des mazahib, c'est connu, ils ont la shidda, ils ont un assoub dans leur mazhab, et ils sont capables de te tuer. Et lui, Hicham Mokbir, rahmallahu ta'ala, il fut interrogé par des frères d'Amérique. Man, le maraji'a fil ilm al fiqh, allazinahum aqwaluhum fil ghalib, hiya ala sawab. Ceux dont les paroles sont le plus souvent sur la vérité. Et parmi eux, il a cité Ibn Hazm, rahmallahu ta'ala. Donc Ibn Hazm, dans la aqidah, il est des zellettes, une grosse zellette d'ailleurs. Il a cité l'imam Shoukani, quand même. Il a cité l'imam Ahmed, il a cité Sana'ani. Ce sont des grands mujtahidines qui sont accrochés au dalil. Et dans le fiqh, qui ont des positions très fortes. Et Shir Yahya, lorsqu'il a fait le ta'liq de Subul Salam, qui est le char de Boulou al-Maram que Sana'ani l'a fait, le Ma'arouf, il a décelé dans ce livre que malheureusement cet imam Sana'ani avait quelque chose de ta'ouil dans les asma. Un peu. Malgré que dans ses aqwal, lorsqu'on lit les paroles de cet imam, wa salafi thabit. Il dit, thabit al-asma ala hakratiha wa kaza wa al-asma wa sifat kullaha. Il le reconnaît, il le dit. Mais la'alaw hasala shay min ta'ouil ahyanan bidun an yashur. Sans même qu'il s'en rend compte peut-être, Allahu a'lam. En tout cas, je me rappelle que Cheikh avait dit ça après avoir lu son livre, le Bouk Subul Salam. قال لاحظنا منه شيئا من تأويل وكلام نحو هذا. Donc comme on l'expliquait, il a rencontré des déboires avec les gens de sa contrée du fait de s'opposer aux mazahib et aux opinions des gens. C'est pourquoi les gens ils sont ma'rouf. J'aime plus dans la chaise, فلا يحبون يخالفوا. هذا في الغالب. Si tu t'opposes à leur coutume et à ce sur quoi ils avancent les gens, tu vas rencontrer des problèmes. فهو تحمل حتى ابن حزم كذلك. ابن حزم il était andalousi, il venait d'Espagne et il a vécu au Maghreb. وهنا حصل له شيء من التضييق من قبل اصحاب المذهب المالكي. Aujourd'hui l'imam du mazhab l'imam Malik qui lui était au centre de ses frères, s'en sont pris l'imam ibn Hazm, ont brûlé ses kutub. Et après il a écrit des vers de poésie dans lesquels il dit même si vous les brûlez ma science elle est là dans ma poitrine. Et l'auteur a différents tasanif, ouvrages à son actif. Minha Subul Salam Ma'aruf, qui est un charh de l'Bulugh. Il a Minhatu Al-Ghaffar. Il a un charh à l'Al-Jami Al-Saghir. Il a كذلك عنه كتاب اسمه التوضيح. C'est un charh de At-Tanqih fi Ulum al-Hadith de Mohammed ibn Ibrahim al-Wazir. Il y a Kazalik, Manzumat, Al-Kafil. Et d'autres Koutoub. Pas même d'autres Koutoub. يعني بالجملة هو من الأئمة المجددين لمعالم الدين يعني سان إمام مجدد qui a revivifié la religion à son époque là où il était qui a marqué son histoire qui a marqué son temps on va dire et qui restera بإذن الله تعالى cité jusqu'à les imams c'est معلوم qu'on ne faut pas oublier هذا من بركة علمهم لعله هذا من إخلاصهم par rapport à leur إخلاص comme l'imam Bukhari l'imam muslim, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, et voilà, leurs noms sont cités, leurs livres sont lus, et leur science se propage jusqu'à ce jour. Et 1182 de Al-Hijr, qui équivaut à 1768 grégorien. Vous savez qu'il a vécu 80 ans, approximativement. Mata, Tiyom et Sulasa, Salis, Charban, le 3 de Charban. C'était un mardi. Ça, ça a été pris de la tarjama qu'a fait Mukhtasara l'imam Shawkani dans Al-Badr At-Tali'a. Al-An Yakul, quand tu rentres dans un livre, que tu saches de quoi le livre il parle, le sujet du livre. Le sujet du livre. Le sujet du livre, tout simplement, c'est que l'auteur, là, vient parler de Tawhid, et principalement Tawhid al-Uluhiyya. Car à son époque, il fut éprouvé parce qu'il voyait autour de lui comme shirk dans la Ummah. Vous voyez, مثل عبارات الكبور والأوثان والأولياء وغير ذلك. فلهذا يعني اضطر il a un yaktub à tel kitab, comme Zakara ou Abinafsi, comme on le prendra inshallah dans le début du livre. Donc, dedans, il va dénoncer ce dans quoi les gens sont tombés comme bida et comme khulafat, comme superstition. Et principalement, ce livre est un sujet qui équivaut à ceux écrits par l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi, rahmahullah ta'ala. On a pris une série de koutoub. Il y a une série de lourds dans ces koutoub. Et cela, c'est lié. C'est lié, c'est le même sujet. Et dedans, il va bien démontrer que les gens, malheureusement, عندهم توحيد وتوحيد الربوبية كما كان شأن مشركي قريش على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Que les gens pour eux, Tawhid, c'est Rububiya. C'est reconnaître Allah comme créateur, comme Razzaq, comme Muhi, comme Mumid, et les Zalika. Amal Ibada ma fahimouha. Lam yafhamouha. Alal Asaf et Shadid. De là, nombreux ulama ont fait le fena de ce livre. Adal Kitab. Car beaucoup de gens ne connaissent pas ce livre. Ou de moi, ne connaissent pas forcément. Minouhoum, al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, le petit-fils de Imam Muhammad ibn Wahhab, celui qui écrit le livre, le Sharh Fath al-Majid. Voyez, Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, c'est l'auteur du livre Fath al-Majid. Également, al-Sheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, son fils. Tous de la descendance de qui? Al-Sheikh, c'est qui? Naam. Hamad ibn al-Wahhab, rahmahou ta'ala. Al-Sheikh Ismail al-Ansari. Al-Sheikh Abdul Razak Afifi. Wa al-Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahmahou ta'ala. Wa al-Sheikh Abdul Mohsen al-Abbad. Il a un charh de ce livre. Le Sheikh Abdul Aziz Rajihi Kazalik. Il y a aussi un char de ce livre. Et Cheikh Al-Fawzan, parmi les Mu'assirin et Cheikh Mokbil. Tout cela ont fait l'éloge de ce livre et ont incité, ont encouragé de l'étudier et de l'enseigner. Et à ma connaissance, parmi les ulama de la Salafiyya, je ne connais que deux chars que j'ai vus seulement, celui de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad et Abdel Aziz Al-Rajihi. Il y a dans la Toba Akjela, c'est un talib de Dimaj. Il a fait des tariqats dessus, il a ramené des fawaid de ses shuruhat. Donc, alhamdoulilah, on se passera du char complet pour que le dars soit, inch'Allah, résumé. Il a apporté le plus important. Même en lisant le livre en lui-même, il est, alhamdoulilah, il est simple. Quand même, il est simple. Et quand il y a besoin d'une feïda en plus, ou ghayr dhalika, il a rapporté ce qu'il fallait, bidnina ta'ala. Naam. Mais l'homme n'actafi bien hada. Voyez. On a tamanna n'y a qu'une dars hawlaha. Adil Mouddha, takriban de cette durée-là, on espère. Yani 20 minutes, al akthar, nif sa'a, hatta nastati an adkhul fi kitabina thani. On a fait mal à l'aïkhwa. Tayyib. Fallum naqifuna, wa gaden, inshallah, nadkhulu fi moudi al kitab. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.